prologue. Je vais sortir les crocs, je vais salir le micro. Pour faire mon intro, je vais remplir des cerveaux, tout en passant par un attentat de tam-tam dans tes tympans. Tu veux un freestyle vocal? J'expose ma création musicale. Demande à l'amiral qui est toujours un cavale depuis que je sors mes rafales. Ma spécialité, c'est les mots. Quand tu veux, je fais une démo. Je m'adresse aux victimes des rimes de mes doctrines. Tes oreilles interceptent les préceptes de mes concepts découverts à mes concerts. Je persévère dans mes vers, la décennie s'avère sévère. Je suis possédé par un littéraire, je maîtrise la langue de Molière. Je suis décidé à ne pas laisser en friche cette langue riche. Je mise sur un fond profond et une forme qui donne la forme. Verdict de l'expertise balistique, c'est un addict de prose rythmique. Il mêle les genres épiques, comiques, dramatiques, romantiques. Welcome to the Language Players Universe. À l'encre de shit, je dessine les consignes pour que mes syntaxes de machine assassinent. J'articule des particules qui gesticulent dans toutes tes cellules. Elles affolent tes vestibules. Je dissèque le lexique, je prélève des ossements grammaticaux, j'assemble des fragments de phrases pour créer des combinaisons lexicales. On peut dire que je suis un médecin légiste de la littérature musicale. En cas de fringale verbale, je m'emballe et je déballe sur un habillage musical mon arsenal lyrical en une accélération vocale qui fait vibrer les timbales et les cymbales du local. Je suis décidé à ne pas laisser en friche cette langue riche. Je mise sur un fond profond et une forme qui donne la forme. Verdict de l'expertise balistique, c'est un addict de prose rythmique. Il mêle les genres épiques, comiques, dramatiques, romantiques. Welcome to the Language Players Universe. Je m'inspire de tout, il y en a pour tous les goûts. Je pratique la chute oratoire, à vous de voir si je mérite des pourboires. Pour moi, c'est jubilatoire, même si je touche pas la gloire. J'envoie des rafales de merci triplexel à tous ceux qui me soutiennent. Je trempe ma plume dans l'amertume, puis dans la gaieté. Je propose un cocktail de belle prose, servi dans un mélange rythmé. Le tout assaisonné d'originalité et de forte sonorité. Décidé à ne pas laisser en friche cette langue riche, je mise sur un fond profond et une forme qui donne la forme. Verdict de l'expertise balistique, c'est un addict de prose rythmique. Il mêle les genres épiques, comiques, dramatiques, romantiques. Welcome to the Language Players Universe. Il se cache derrière plusieurs identités, l'alchimiste des particules sonores, le générateur d'acoustique distrayant. Le novice nocif au récit invasif, les language players, ou bien l'agitateur de conscience en pleine effervescence. Il souhaite offrir sa science, sa poésie nouvelle génération est à consommer sans modération. Voici le fruit de ses inspirations.